بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال العاشر بعد المئة، 110 كيستيون. سئل الشيخ رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ: هل يحق لأحد أن يرمي أحدا بالبدعة أو الفسق نظرا لأنه خالفه في مسألة فقهية أو في تصحيح حديث أو تضعيفه؟ Donc il est interrogé, est-il permis d'accuser une personne d'être un innovateur ou de tomber dans la bid'a, dans la perversion, du fait qu'il était d'un avis différent dans une question de fiqh, ou alors dans l'authentification d'un hadith ou son affaiblissement. Quelqu'un qui est en divergence sur une question religieuse. فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي يُحَاسَبُ أو يحاسب الناس على أديانهم والله تعالى فإذا اختلف أهل العلم فتصحيح حديث فمن رأى أنه صحيح فعليه أن يعمل بما دل عليه نمل أو عقيدة ومن رأى أنه ضعيف فلا يعمل به وذلك لأن الله تعالى سيحاسب الناس ولا ما عندهم من العلم. Donc il a dit, celui qui jugera les gens dans leur religion, c'est Allah Azza wa Jal. Donc si jamais les gens de science divergent sur ce genre de questions, est-ce que ce hadith est authentique ou pas, celui qui voit qu'il est authentique, alors doit œuvrer en fonction de la vie qu'il a choisie, qu'il s'agisse d'un acte ou d'une croyance. Quant à celui qui voit qu'il est faible, alors il n'a pas à agir en fonction de ce hadith. Car Allah Azza wa Jal va juger les gens en mesure de ce qu'ils ont comme science. وقد يسلم الجميع بصحة الحديث إلا أنهم يختلفون في فهمه فمنهم من يفهمه على وجه ومنهم من يفهمه على وجه آخر. Donc il a dit, il se peut également que tous soient d'accord que le hadith est authentique, cependant ils le comprennent chacun de façon différente. Certains le voient que le hadith amène à ceci, d'autres le voient que le hadith amène à cela. فإذا فهمه إنسان على وجه وآخر على وجه آخر فإن الواجب لكل واحد منهما أن يأخذ بما فهمه من الحديث لكن لا مانع أن يناقش أحدهما الآخر حتى يتوصل إلى رأي موحد. Donc si jamais quelqu'un voit ce hadith de cette façon-là, d'accord, il doit agir comme lui l'a compris. Et l'autre, s'il a compris d'une autre façon, il doit agir comme lui l'a compris. Et il n'y a pas d'empêchement que les gens débattent entre eux sur ce hadith afin que leurs opinions s'unissent. Car l'union, ce qu'il y a de meilleur sur le haqq. أما وصف الإنسان الذي يخالف رأيه ورأي آخر في تصحيح حديث أو في دلالته بالضلال أو البدعة فهذا لا يجوز وهذا من عمل أهل الأهواء ولهذا نجد المسلمين في ميعاد الصحابة إلى عهدنا يغذر بعضهم بعضا فيما فهموا من النص. Donc il a dit maintenant le fait de décrire une personne qui s'oppose à toi dans un avis, une chose qui est sur un avis. Par exemple, tu vois hadith, il est authentique, lui voit qu'il est faible. Ou alors toi tu vois telle preuve du hadith, il lui envoie une autre. Et tu le qualifies d'égaré ou de moutadir, cela n'est pas permis. Cela est parmi les actes des gens des passions. C'est pour cela que tu vois les gens, des muslimines, depuis l'époque des sahaba jusqu'à aujourd'hui, ils s'excusent entre eux dans les compréhensions des textes. Et là on parle de gens de science aptes à analyser les textes. D'accord ? Non. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حين رجع من الأحزاب وأمرهم جبريل أن يخرج إلى بني قريظة اليهود الذين نقضوا العهد قال لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. Donc par exemple, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont revenus de la bataille des coalisés et que Jibril leur a ordonné de continuer en se rendant auprès des bani قريظة qui étaient les Yahoud, ceux qui avaient trahi le pacte avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ses compagnons vers eux pour les combattre et il leur a dit que aucun d'entre vous ne fasse la salat du Asr tant que vous n'êtes pas arrivé chez eux, chez les Bani Qurayza. فخرجوا وأدركتهم الصلاة فمنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس وأخروا الصلاة ومنهم من قال نصلي في الوقت. Donc, ils étaient en route et le temps de la salat les a rattrapés. Donc, certains d'entre eux, ils ont dit, nous ne ferons pas la salat tant que nous ne serons pas parvenus chez les Bani Qurayza. Même si le soleil disparaît, c'est-à-dire que le temps du Maghreb y rentre. Donc, de là, ils ont tardé la salat. Et d'autres ont dit, nous allons faire la salat dans son temps. فَالَّذِينَ قَالُوا لَنُصَلِّي إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْضَ قَالُوا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْصُدْ أَنْ نُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ. بل قصد أن نعجل الخروج، فنحن لما حل علينا وقت الصلاة نصلي في الطريق ونستمر في السير. Donc certains d'entre eux, ils ont dit, ceux qui ont fait la salat en route, ils ont dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu que nous retardions la salat, mais il a voulu qu'en fait nous fassions vite pour arriver là-bas, c'est-à-dire d'arriver chez les Bani Qurayza avant que le temps de la salat du Asr ne s'achève. Sans quoi, nous faisons la salat dans son temps. Et après, nous continuons notre parcours. Amal akharun qalu la nusalli illa fi Bani Qurayza wa in kharaja waqt as-salat lana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an nusalli al-'asr illa fi Bani Qurayza. Quant aux autres, ils ont dit nous ne ferons pas le 'asr avant d'être arrivés. Quoi qu'il en coûte. D'accord, même si on sort du temps de la salat, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire la salat avant d'arriver chez eux. فعل هؤلاء كذا وفعل هؤلاء كذا وعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف واحدا منهم مع أن الخلاف في مسألة عظيمة في الصلاة تؤخر عن وقتها أو تصلى في وقتها. Donc ceux-là ont agi de la sorte et les autres d'une autre façon. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم a eu connaissance de leur divergence et n'a blâmé aucun des deux groupes. Alors que la divergence là est une question importante, le fait de sortir la salat de son temps volontairement, sans excuse. D'accord ? طيب. وكذلك ايضا اختلفوا في مسائل كثيره منها امراه حامل توفي عنها زوجها فوضعت قبل 4 أشهر. Il a dit également, ils ont divergé dans d'autres questions, comme celui de la femme par exemple qui était enceinte dont le mari est décédé avant qu'elle n'accouche. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle accouche avant que sa idda, sa période de viduité, soit finie. Qui, à la base, la période de viduité d'une femme veuve, c'est 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours. Une femme dont le mari est mort doit rester en deuil 4 mois et 8 jours. Et 10 jours, pardon. فالسنة جاءت بأنها إذا وضعت بعد موت زوجها ولو بدقائق انتهت عدتها وانتهى إحدادها كما في حديث سبيعة الأسلمية أنها توفي عنها زوجها فوضعت بعد بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. Car c'est quoi la sunna en fait ? C'est que si la femme accouche après la mort de son mari, ne serait-ce que quelques minutes après sa mort, tout de suite, sa idda elle est finie. Sa idda et sa période de deuil est finie. Comme cela se fut le cas de Subay'a al-Aslamiyya, dont le mari est mort alors qu'elle était enceinte, elle a accouché quelques nuits après sa mort. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui autorisait de se marier après son accouchement directement. ومنهم من يقول إذا وضعت قبل 4 أشهر و10 أيام فإن تنتظر حتى يتم لها 4 أشهر و10 أيام وإن تمت 4 أشهر و10 أيام قبل أن تضع فإن تنتظر حتى تضع. Et d'autres parmi les Sahaba ont dit que même si elle accouche avant d'avoir complété les 4 mois et 10 jours, alors elle reste en période de deuil et de iddah. Ils sont restés sur la base. La base, c'est ça. D'accord ? Ils sont restés là-dessus qu'une femme dont le mari meurt, elle doit attendre 4 mois et 10 jours. Eux, ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas su s'il était enceinte ou pas enceinte, ou à Kaza. Donc là, il y a une différence entre celle dont le mari meurt alors qu'elle n'est pas enceinte et celle qui est enceinte. La question n'est plus la même. وَيُقَالْ نَعَمْ إِذَا مَضَ عَلَيْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرُ وَعَشَرَ. طيب. On va passer le passage pour écourter. والذي خالف في هذا علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس وكلاهما فقيه عالم ومع ذلك نرجع الى السنه وندع قول علي وقول ابن عباس. Donc ceux qui ont dit qu'elle doit attendre 4 mois et 10 jours, qui sont-ils? C'est Ali ibn Abi Talib et Abdullah ibn Abbas, parmi les plus grands des Sahaba, les parmi les plus savants des Sahaba. Ce n'est pas n'importe qui a mis cet avis là. Cependant, leur excuse, comme l'a expliqué Cheikh Al-Islam Taymiyyah dans son livre qui est Raf al-Malam an A'imat al-A'lam, dans un livre dans lequel il explique pourquoi certains parmi les grands imams ont commis des erreurs et on ne peut pas les blâmer, c'est qu'en fait ces Sahaba n'ont pas connu le hadith et l'histoire de Subay'a. Ils sont restés sur la base de ce qu'ils ont connu. Donc ils ont agi selon leur ilm qu'ils ont eu. Ils n'ont pas su que la femme enceinte, le jument diffère. Ils ne l'ont pas su. Sans quoi, ils n'auraient jamais osé transgresser la sunna, sans aucun doute. Ce n'est pas une chose qui était volontaire de leur part, c'est un ijtihad. Ils ont agi en mesure du savoir qu'ils avaient. Et d'autres sahaba ont su ce qu'eux n'ont pas su. Donc de là, nous maintenant, on n'a pas le droit de choisir entre la vie de Ali et la vie de d'autres personnes qui ont... On doit prendre l'avis qui est conforme à la sunna, qui est que la femme veuve, enceinte, sa période de deuil s'achève, d'accord, s'achève à son accouchement si celui-ci a lieu avant les 4 mois et 10 jours. Non. Donc il dit, pour finir, même si son mari est encore en train de se faire laver, même s'il n'a pas encore, il n'a pas encore été enterré, par exemple, elle est enceinte, son mari, par exemple, meurt à 8 heures du soir, et que elle, Mathalène, à 8h04, par exemple, elle accouche, elle n'est plus en période de deuil et de viduité de Idda, et elle peut se remarier. فالحاصل أنه لا يجوز لنا أن نحمل الناس على ما نفهم نحن من الأدلة ولا يجوز أن نخبر نجبر الناس على أن يصححوا ما لم يصح عندهم والناس يحاسبهم الله عز وجل ويسألهم يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. Donc il n'est pas permis nous d'imposer aux gens notre compréhension des preuves. Tout comme on ne peut pas imposer notre jugement sur hadith, d'accord, et que les gens seront jugés par Allah Azzawajal, ils seront interrogés, dans le sens où Allah a dit, et qu'avez-vous donc répondu aux envoyés. Les comptes, verset 65. Mais attention là, les divergences sont de trois sortes, comme le qualifie le ulama. Il faut comprendre ça. Il y a khilaf tanawwa, il y a khilaf Al-Afham ou Khilaf Tazad. Khilaf Tanawur, c'est lorsque un même acte peut être accompli de différentes façons. Si tu fais la chose de telle façon, c'est vrai, c'est authentique, et de telle façon, c'est authentique. Par exemple, Askar après Salawat, il est venu que le Nabi Sallam, c'est le Takbir, Masalem, 30 fois, avec ses doigts. Des fois, c'est venu 10 fois, des fois, c'est venu 33 fois. Ça, tous sont corrects. Donc on peut pas dire à quelqu'un fait 30 fois et dit non, moi je vais faire 34 fois par exemple. Il a le droit quand les hadiths sont venus. Après, il y a khilaf tafahum, c'est un hadith qui peut être compris de différentes façons. Comme ce qui est arrivé par exemple avec les sahaba, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tusallu al-asr hatta tasilu 'ala bani Quraiza, qu'une parole peut être interprétable de telle et de telle façon. Et khilaf tadad, c'est lorsqu'une masala elle est claire et que la personne diverge avec la preuve claire. Ça, ce n'est pas permis. Et là-dessus, la personne, on peut la critiquer et la blâmer. Donc ce n'est pas toute divergence qui est prise en compte et on dit, on excuse l'opposant. Faut regarder c'est quelle mas'ala. Ou par exemple, dans le tasrih d'un hadith. D'un hadith, leur authenticité, elle est claire. Quelqu'un ne peut pas dire, non, pour moi, il est faible. On va lui dire, c'est quoi tes preuves entre les muhadiths? On va dire, quelle règle tu as appliquée pour dire que tel hadith, il est faible? Tous les rapporteurs sont des gens siqa et tous entendus les uns des autres. La chaîne de narration, elle est attachée. D'accord? Et jusqu'au sahabi, jusqu'au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, c'est quoi la cause qui fasse que tu dis que ce hadith, il est faible? Ou le contraire, un hadith, il est faible, pour de vrai, quelqu'un dit non, il est authentique pour moi, alors qu'on lui prouve que, par exemple, tel narrateur est un menteur dans la chaîne de transmission, ou que tel narrateur n'a pas entendu de un tel. On lui dit, on lui prouve, et dit quand même non, pour moi, le hadith, est authentique. Là, on rentre encore dans l'inaide, dans les passions. Donc à ce moment-là, la personne, elle est critiquable. D'accord? Une fois que les preuves sont établies qu'il a tort, de façon claire, même avec ses règles à lui. C'est-à-dire, les règles, il le connaît, et tu le prends avec ces règles-là, tu dis, bah, maintenant, t'es en train de contredire tes règles. D'accord? Donc, pourquoi maintenant tu t'obstines, alors qu'on t'a montré que ton avis, il est incorrect? Normalement, accepte, et tu corriges. Il dit non, il y a divergence, et moi, ne m'impose pas. À ce moment-là, lui, il est dans l'erreur. D'accord? Donc, attention, ne pas comprendre pour réfléchir que dans toute question de la divergence, la personne, allez, on doit tolérer, et c'est excusable. Non, faut voir c'est quel genre de divergence dont il s'agit. هذا الذي أخذنا اليوم من هذه المسألة، هذه المسألة كانت مهمة، والحمد لله رب العالمين.